Chantez pour moi. Julien ne veut pas, il ne veut pas. Je peux pas pour toi. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Je l'ai fait comme ça, je sais pas pourquoi.